Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est donc à Sezac, dans le Lot, près de Cajarc, où elle était née, que repose Françoise Sagan depuis sa disparition en 2004. Si elle n'a pas été reproduite sur sa pierre tombale, on sait qu'elle avait rédigé elle-même son épitaphe qui disait ceci. Sagan Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. Sagan bien vivante, nous allons l'entendre en 1973. Sagan telle qu'en elle-même, parlant de tout et de rien, du scandale de Bonjour Tristesse, qu'elle n'avait pas voulu, des journalistes du tout Paris, de son quartier, des gens sérieux, dont elle n'était pas, ou encore de ses vacances à Ville d'Avray. C'était dans une série de 5 entretiens, menés dans la bonne humeur qui s'imposait par André Halimi, dont nous écoutons maintenant le deuxième numéro, diffusé la première fois, le 2 janvier 1973, sur France Culture. Quand vous avez publié Bonjour Tristesse, on avait trouvé que c'était finalement très immoral ce livre. En fait. Oui, à l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, ce serait... C'est démodé. Aujourd'hui, c'est complètement démodé. Délit. C'est du délit maintenant. En fait, je plaisante, mais moi, j'ai jamais aimé le scandale qu'on a fait avec ce livre. C'est pas le scandale que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, c'est que des gens que j'estimais, enfin, et trouvaient que j'avais certains dons pour écrire. Enfin, qu'ils connaissaient un certain talent. Ça me plaisait, mais le scandale, c'était tellement hors de ma pensée, d'ailleurs, en l'écrivant. J'ai pas pensé un instant que ça allait faire un scandale. Oui, vous le souhaitiez pas, d'accord. Non, mais j'étais ahuri, même. J'étais tout à fait étonné, ça me paraissait tellement naturel. Alors, est-ce que vous n'êtes pas victime, un peu, si vous voulez, de la vitesse des mœurs, enfin, qui, il y a quelques années, pouvait choquer, ne choque plus aujourd'hui. Moi, je trouve ça très bien. Mais est-ce que ça ne remet pas en cause, alors, aussi bien alors, des livres que des films, enfin, qui, il faut le dire, quelquefois, si vous voulez, subissent un peu cette évolution. Mais non, pas du tout. Regardez, si vous relisez le... Bon, une comparaison classique, mais si vous prenez, par exemple, le Delbocor, que ce soit le livre ou le film, c'est toujours aussi beau, il y a toujours la même forme d'impact. Le scandale, vous savez, le scandale, c'est jamais ce que les gens font autour. Le scandale, c'est le talent. C'est ça, le scandale. Quand les gens sont attrapés directement par les cheveux, qu'on leur donne un coup de poing dans l'estomac par une seule phrase et qu'on les frappe. Et c'est pas forcément une phrase érotique, c'est une phrase qui les concerne directement. Donc le scandale était tout à fait, pour vous, passager, enfin. Oh oui, c'était un accident. Un accident de la circulation parisienne. Mais en ce qui vous concerne, quand même, il est demeuré très, très vivace. Enfin, je ne sais pas si demain, par exemple, François Sagan se remariait, avait une grande aventure avec un chanteur de Tango. Tango, n'importe quoi. Enfin, je suis sûr qu'il y a des journaux qui se régaleraient, enfin. Oh ben oui, sûrement. Mais écoutez, c'est normal. Il faut bien qu'ils mettent des petites choses dans leurs petites plaquettes, là. Mais alors ça, je vais vous le reprocher. Vous n'aidez plus ces gens-là. Comment on ne les dit plus ? C'est qu'il n'y a plus d'événements de ce genre, divorce, mariage, scandale. Oh bah dites-moi, je ne partais plus au Baléares, je ne sais pas, avec un Beatles, n'importe quoi. J'ai jamais été au Baléares avec un Beatles, vous. Non, d'accord, mais enfin, il y avait des événements il y a quelques années qui faisaient que vous aviez la une. Je ne sais pas, un grand accident de voiture. Oh, c'était bien. Oh, merci bien, vous êtes gay, vous voulez que je me jette dans un ravin pour avoir la une des journaux ? Non, pour faire plaisir aux journalistes, vous ne pensez pas assez à eux. C'est tout, il est fou. Non, mais vous plaisantez, enfin, je ne vais pas me jeter dans les ravins. Non, mais là, je prends un cas épouvantable, extrême, mais enfin, vous pourriez avoir une vie. Alors là, je parle de la vie. J'ai une vie privée extrêmement agitée, mais parfaitement secrète. Ça, vous voulez qu'elle soit secrète ? Oui, parfaitement. J'ai toujours voulu qu'elle le soit, d'ailleurs. Non, mais il y a quelques années, elle ne l'était pas. Enfin, pas parce que les journalistes étaient plus cramponnés après moi que maintenant. Maintenant, je suis devenue une dame littéraire. C'est ça. Et puis vous refusez, enfin, totalement. J'ai toujours refusé, mais c'est difficile quand on vous court après, les photographes, c'est pas pratique. Mais quand on vous court plus après, on est tranquille comme Baptiste. Puis il suffit d'avoir un passeport à canon différent, puis on fait ce qu'on veut. Alors donc j'ai lu attentivement votre dossier, puis alors je vois plusieurs fois votre plus grand désir serait de travailler 2 mois sur 12. Oui. Et d'autre part, vous avez dit également, l'argent, je ne sais pas ce que c'est, enfin, vous ne voulez pas en entendre parler. Alors, est-ce qu'il faut classer ça dans des aphorismes ou non? Parce que c'est vraiment des boutades de dire que l'argent... Parce qu'aujourd'hui, ça paraît totalement... Anormal. Anormal, absolument. Oui. Anormal et même insolent. Oui, mais c'est... Je vous signale que je dis, j'aimerais bien travailler 2 mois sur 12. C'est ça. Je ne dis pas que je travaille que 2 mois sur 12. C'est un souhait... Un souhait, oui. Un souhait, mais qui revient souvent. Ah ben oui, tout le temps, comme tout le monde. Je vous demande à n'importe qui dans la rue que maintenant il veut travailler par jour, il vous dira 10 minutes, et encore. Oui, enfin non, il dira pas ça, quand même. Ben, n'importe qui, normal, n'a pas envie de travailler. Oui. Ce que je voulais dire tout bêtement par là, c'est que je suis obligé de travailler finalement pas mal de temps. Comme vous l'avez dit, j'ai quand même écrit 9 romans, 8 pièces, je ne sais plus combien de choses en 17 ans. C'est quand même 4, 18 ans. 18 ans. Donc on ne peut pas dire que je ne travaille pas. Mais je dis que j'aimerais beaucoup ne pas travailler. Travailler le moins possible. Oui, mais vous ne pouvez pas ne pas travailler. Vous savez bien, vous ne pouvez pas. Ben, je ne peux pas pour des raisons matérielles. Oui, mais comme tout le monde. Ben oui, mais je dis pas que je puisse, hélas. C'est un souhait, c'est ça, mais oui. Très gratuit. Ben, quelquefois, je m'arrange... Gratuit, irréalisable, enfin. Quelquefois, je m'arrange pour ne rien faire pendant 3 mois. Pas écrire une ligne, pas répondre à une question, rien faire. Je me débrouille. Et l'argent? L'argent, il rentre par la fenêtre là, il sort par la fenêtre là. À une vitesse prodigieuse. Alors, tout ce que j'ai pu lire sur l'argent, est-ce que c'est vrai? Enfin, le banquier qui vous verse tous les mois une somme précise, des factures qui sont sur vous. Écoutez, c'est toujours très simple. Je gagne énormément d'argent avec mes livres par rapport à la moyenne de la population française. Je gagne beaucoup, j'en dépense beaucoup. Le fisc m'en prend les 80% puisque c'est la loi actuelle. Bon, vraiment, je ne me plains pas, parce que si on paye beaucoup d'impôts, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent, donc on n'en avance pas à se plaindre. Puis j'ai une vie absolument délicieuse, charmante. Donc si je voulais m'acheter un appartement demain, je pourrais absolument pas. Sans de question, j'ai pas d'argent en Suisse, j'ai pas de trucs comme ça. J'ai l'argent, je gagne tous les mois, quoi, à peu près. Mais j'ai une vie tellement privilégiée que vraiment, ce serait bien le compte que je me plaigne. Et les déménagements? Parce que moi, depuis le temps, enfin, que je vous téléphone, que j'essaie de vous voir, que je vous vois, je vous ai connu au moins 10 d'adresses. C'est quoi, ça, ce besoin de changer de... Je sais pas. Côté nomade, j'aime pas les habitudes. Et c'est d'un lieu à un autre, enfin, de remplir des valises, de livres, de manuscrits... Oh là, ça, je m'occupe pas, là. Ça, je m'occupe pas, j'appelle une bande de gens, des gens dévoués, et je disparais 3 semaines. Pendant le déménagement? Oui, et quand je reviens, on me dit, voilà, je retrouve les mêmes vieux meubles qui ont suivi, les pauvres, essoufflés, le piano qui ne marche plus... Les deux coussins, tout cassé, comme un déménagement, c'est pire qu'un incendie. Et puis, on me dit, ta chambre est là, alors je suis enchantée, je trouve un nouvel endroit. Puis je trouve une nouvelle crémière, je trouve un nouveau marchand de journaux. Alors, ici, la rue Guinemer, vous allez rester quelque temps, j'espère. Oui, je pense, oui, j'aime bien ici. Je suis pas sûre. Oui. Vous avez souvent déclaré que vous n'aimiez pas les gens qui se prenaient au sérieux. Je m'ennuie avec eux. Oui. J'ai une dernière compte, parce qu'il faudrait... Si j'étais vraiment hostile, il faudrait que je me batte tous les soirs. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez pas tellement les gens de la politique. Il y a des minutes qui vous laissent complètement indifférentes. Non, c'est pas la politique m'intéresse plutôt, mais c'est les gens politiques sont souvent très, très ennuyeux. Mais les gens du monde, c'est pareil. Ce qu'on appelle les gens de tout Paris, ils se prennent au sérieux, c'est absolument tragique. Ils vous racontent, tu sais, j'ai fait tel disque... Vous savez, ma pièce va faire ça. Vous savez, mon livre sera au Venezuela. Vous savez... Ils parlent de leur métier de même, comme si c'était le centre d'intérêt général. Ils vous racontent tout ce qu'ils font. Ça, j'appelle ça prendre au sérieux, finalement. Et moi, ça me tue, parce que moi, je parle jamais de ce que je fais. Je dis tristement, tiens, mon livre est fini. Je sais que vous préférez les gens un peu fous, non? Oh oui, mon Dieu, oui. Les gens un petit peu fous, oui. Les gens sains. Enfin, les gens fous, mais qui sont sains par rapport aux gens sérieux. Voilà, les gens fous sont sains par rapport aux gens sérieux. Parce que les gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes, les gens qui sont prêts à faire n'importe quelle bêtise, qui sont prêts à prendre n'importe quel train, qui sont prêts à tout casser de la vie absolue qu'on leur impose, sont des gens sains. Enfin, encore assez vivants, avec du sang dans les veines. Et les autres qui sont dans leur petit carcan assommant entre le... Je sais pas, moi, entre... Que ce soit la présidence de la République, Matignon, machin, les théâtres, trucs, c'est Maxime, c'est pas possible. Mais ça qui étouffe dans des limites... Donc, ils ont un petit circuit à eux, bien organisé, qui ne pensent pas pouvoir rester, je sais pas, moi. Par exemple, aller passer leurs vacances à côté de Paris. Bon, à 10 km de Paris, une banlieue. Oui. Bon, moi j'ai une envie folle, il louait, il y avait un machin, un pavillon à louer cet été. Et c'était charmant, il y avait la Marne qui passait et tout. J'ai pris des clapissements, tout le monde, tu es folle, tu vas pas aller à passer tes vacances, ça, comment ça s'appelle, Ville d'Avray, ça existe. Ville d'Avray, ça existe. Comme ça. Pourquoi je veux passer des vacances à Ville d'Avray, j'en ai envie, ça me paraît dément, tout ça. Non, il faut aller à Venise, il faut aller à Deauville, il faut aller à Cannes, il faut aller à Stropée, il faut aller. C'est dur. Moi, dans ce cas-là, je reste à Paris. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire... Peut-être que je me serais vraiment ennuyé à Ville d'Avray, cela dit. Oui, c'est deux assommants. Ok, on m'a bien signalé que Ville d'Avray n'était pas très gai le soir. Pour vous, ça aurait été très déprimant. Peut-être, pour faire des voitures. La folie vous attire, vous séduit. Comment je parle de la folie? La folie simplette, la folie gay. Oui, pas les asiles. Non, ça me fait très peur, les gens fous. Moi, je parle des gens qu'on dit fou. Je parle pas des gens qu'on dit fou. C'est ça. Alors, est-ce que Françoise Sagan est un peu folle? Oh, ça m'arrive, oui. Alors, de quelle façon? Oh, ben, je sais pas. Il y a des moments dans la vie où une espèce de gaieté me prend, assez fréquemment d'ailleurs. Je me mets à gambader partout et à faire tout ce qui me passe par la tête. Alors, quelquefois, ça a des conséquences. Un peu agité, quoi. Par exemple, c'était tellement amusant, écoutez, la folie, c'est une chose tellement rassurante aujourd'hui. Les gens sont tellement, finalement, fermés, refoulés. Enfin... Si vous voulez, par exemple, on voit quelqu'un tout seul à une table, on est dans un endroit, bon, là, je parle toujours la nuit, le jour, tout est coincé, mais la nuit, seul à une table, on l'invite, on se rend compte très rapidement qu'il est complètement schizophrène, comment malade mental, alors, on n'est pas embêté, mais comment on l'invite, on le garde, on l'emmène avec soi partout. Ça m'est arrivé autre jour. C'est un type qui est complètement fou, très gentil d'ailleurs. J'en ai vu voir les statues de Mayol qui sont au. Il est tombé fou amoureux d'une d'elles. Il a voulu absolument aller acheter une bouteille de champagne. Il a trouvé dans un bistrot. Il a vu tout Paris. Et il a cassé la bouteille devant la statue, pas dessus, devant la statue. Et il a arrosé la statue en disant tu le mérites. Et nous, on était enchantés, on était ravis, on sautait de joie. C'était tout le monde. Il était devenu fou amoureux d'une d'elles. Il y va tous les jours maintenant, il m'a dit. Comment réagit la statue? Oh ben, il est ravi, de tremper champagne à l'aube, un petit matin. Quelle femme ne me rêve pas ça. C'était la grande, vous savez, la paresseuse. Bon, je dis un exemple entre autres, mais enfin, je veux dire. Mon rêve, c'est de susciter ou de développer chez les gens une espèce d'imagination plutôt que de folie. Ça qui manque à beaucoup de gens. Oui, à tout le monde, vraiment. Très peu de gens ont l'imagination. Puis surtout, quand ils en ont, on ne leur permet pas de la développer. Ils n'ont pas le temps. Alors, vous, par exemple, votre folie, vous la développez de quelle façon? À jeun ou grâce, je ne sais pas, grâce au secours de l'alcool, par exemple, de la cigarette? Comment elle se développe chez vous, la folie? Ça peut m'arriver très bien le matin en me réveillant, absolument à jeun, donc, de me mettre à faire des imbécilités. Ou ça peut m'arriver le soir, avec de l'alcool. Faudrait, une fois, vous m'avez joué une farce, je vous ai appelé. Et vous m'avez répondu avec une voix d'homme. Oh, ça m'étonne, parce que j'aurais du mal. Mais... Je sais pas, vous avez changé votre voix. Je crois vraiment que c'est, au départ, c'était vous. Oh non, après, c'était plus vous. Je fais pas la voix d'homme, alors c'est peut-être quelqu'un qui était avec moi en train de parler de côté. Non, mais je me suis dit peut-être qu'elle est dans un moment comme ça de folie, et qu'elle s'amuse bien, et j'adore ça, moi. Non, moi, je joue beaucoup avec ma sœur au téléphone. Et alors, comment faites-vous, par exemple? Alors, vous changez votre voix? Non, je prends la même voix, comme les gens connaissent ma voix, plus ou moins. Alors ils disent, ah Françoise, M. Sagan, bonjour, c'est... Bon. Mais je suis un malheureux journaliste, par exemple. Alors je dis, non, je ne suis pas Françoise, je suis sa sœur. Alors, les gens disent, bah bon, on peut parler, rendez-vous, interview, je dois... Alors je réponds, vous savez, elle n'est pas là, elle est partie. Elle est partie assez loin. Je ne sais pas quand elle va rentrer. Alors tantôt je me plains. Vous savez, monsieur, ce n'est pas du tout agréable pour moi que je suis sa sœur, parce que les gens sont furieux. Elle donne des rendez-vous, puis elle n'y vient pas. Je ne sais jamais où elle est. Et je me fais un souci d'encre, elle rentre pas quand il faut, elle est jamais à l'heure. Et moi, c'est moi qui prends tout sur le dos. Quoi, c'est amusant pour moi d'être là, soit sa grand-mère, c'est bien, t'es là, quel calvaire. Ou alors, au contraire, je dis la pauvre, en ce moment, elle est débordée, tellement de travail. Elle s'occupe tellement de son petit garçon, de son chien, de son chat. Elle s'occupe de tout ça, elle est débordée, elle ne peut plus la peau, je comprends, il faut la plaindre. Alors je m'amuse comme ça, je fais des bêtises le matin. C'était le deuxième des 5 entretiens avec Françoise Sagan au micro d'André Halimi, diffusé la première fois le 2 janvier 1973 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Dans tes yeux, quand tu vas laisser quelque chose que j'ignorais, un regret, un oubli, oui, mais de qui? Passé sur ta bouche quand tu vas laisser quelque chose que j'ignorais, un baiser, la folie, oui mais de qui? Dis-moi. Valse, valse, valse, valse, valse, mon cher amour. Valse, valse, valse, valse, valse, mon pauvre amour. Il y avait dans tes yeux, quand tu m'aimais, quelque chose qui me manquait. Une valse, un sourire émerveilleux. Dis-moi. Il y avait dans ma vie, quand tu m'aimais, quelque chose qui me manquait. Une valse que toujours je chercherais. Pauvre amour.